depuis mon plus jeune âge. Je rêve de gloire, de cash flow, dois-je passer ma vie en marche d'un système qui me dévisage. Mon panache comme bagage sûr, j'assure mon avenir. Mon futur, je le vois prospère, fat duplex, busy compte en caisse remplie, grosse sacoche. Borsellino, BM, Porsche, nombreux rêves de mioche m'ont poussé à remplir mes poches. Avenue Foch, loi pouvoir sortir de la rue, croire vouloir se battre pour avoir ce qui t'est du nez, jamais grosse perdue. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Sors de ton cul de sac du cycle infernal du gène que le béton détraque. De l'ignorance, la délinquance, la violence. T'as soi-disant de ma chance que toi-même sème par négligence. Échec, scolaire, vice, mauvaise compagnie qui te trahisse. Fils démoli pour reconstruire ce que tu négliges et jadis. Je crois en moi, en toi, le futur est entre nos mains. Et rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. Ceci va pour tous les jeunes de cité, lascar et filles oubliées, banlieue condamnée, ville écartée, damnée, déshéritée. Exclus de la chance, fils d'immigrés déçus, tous ceux qui ont dans leurs yeux quelque chose d'horizon perdu, fils du chahut, grandissant sous le souffle de l'obus. Ceux qui ont disparu sans jamais avoir connu la joie, ma génération s'élève du béton comme un drapeau. América Latina, Africa, represento Colombia, le tiers du monde, l'allégresse, d'outre tombe la tristesse d'un jeune en détresse, pleurant derrière des barreaux, sa jeunesse donne d'exemple. Montre aussi que tu peux t'en sortir, l'espérance est vitale comme l'oxygène. L'oxygène que l'on respire, c'est le pire des combats. La perpétuelle querelle, la saga, c'est le dominant sur le dominé. La loi du plus fric est renverse, les statistiques, sondages. Prouve à ton entourage qu'un homme plein de courage peut creuser son propre passage vers la victoire. La réussite malgré les multiples conspirations. Sociaux en France où t'es fort à une récompense, go. One love pour tous les jeunes en bas des escaliers de cité HLM. Je sème de l'espoir pour tous ceux que j'aime. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Dédicacé à ceux que j'aime dans tout ce béton. Dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. 9-7, siempre echando pa'lante. Con fe, hermano. Siembra y recolta. Depuis mon plus jeune âge, je rêve d'explorer le monde, la terre, ses mystères. Imagine des voyages en première classe, sans frontières, sans passeport, en concorde, cocktail à la main. Observons l'univers du haut du ciel, volant de plus en plus loin. Choisir son destin, être maître de soi-même. Vivre pour ce que l'on aime, malgré les contraintes du système. S'entraider, parler de fraternité, de confiance, oublier ses problèmes ne serait-ce qu'un instant, voir des mains se serrer. Mater la télé, voir moins de misère, de barrières sociales, chômage, exclusion raciale, de police, front national. Entendre les rires des enfants percés, le cœur en béton pressé, de bâtir un monde parfait basé sur le respect. Mais le monde tourne comme une roulette et rien ne changera. Quand le tout-puissant fera ses comptes, lui seul jugera. Filles et garçons, avançons d'une case nos pions. Unis nous sommes la lumière du chemin où nous allons. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Je le dédie pour ceux que j'aime dans tout ce béton. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, je représente, nous représentons. Pense qu'aujourd'hui c'est ton jour pour lutter et vaincre, garçon. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque.